À l'occasion du 5e anniversaire du décès du dirigeant Kim Jong-il, les cadres responsables du parti, de l'État et de l'armée ont visité le 17 décembre, jour de commémoration suprême nationale, le palais du soleil de Kumsusan pour lui rendre l'hommage sublime. À 9h du matin, le dirigeant suprême de notre parti, de notre État et de notre armée, Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, est arrivé au Palais du Soleil de Kumsusan, accompagné de Kim Yong-nam, Fang Byung-soo, Park Bong-joo, Choi Ryong-hae et d'autres cadres responsables du Parti, de l'État et de l'Armée, des membres de l'organisme directeur du Comité central du Parti dans la ville de Pyongyang et des cadres des organismes du parti et des forces armées, des ministères et des établissements centraux. Le camarade Kim Jong-un est entré dans le hall où se trouvent les statues en pied du président Kim Il-sung et du dirigeant Kim Jong-il, flanqués des drapeaux du parti et de la République, ainsi que de la garde d'honneur des forces terrestres, navales, aériennes et anti-aériennes de l'armée populaire de Corée et de la garde rouge des ouvriers et des paysans. Le chef de la garde d'honneur a fait le rapport d'accueil au grand leader. Ont été déposées devant les statues la corbeille de fleurs au nom du dirigeant suprême Kim Jong-un et celle au nom commun du comité central et de la commission militaire centrale du Parti du Travail de Corée, du comité des affaires d'État, du présidium de l'Assemblée populaire suprême et du cabinet ministériel de la République populaire démocratique de Corée. Avec son entourage, le camarade Kim Jong-un a exprimé l'hommage sublime devant les statues. Le camarade Kim Jong-un est entré dans le hall où se trouve conservé le corps embaumé du dirigeant Kim Jong-il. Avec son entourage, il s'est incliné avec le plus grand respect devant le corps embaumé. Les participants ont fait le tour de la salle de conservation des décorations offertes au dirigeant Kim Jong-il.